Section 5 de La Bête du Gévaudan. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lu par Stéphanie. La Bête du Gévaudan par Élie Berthet. Chapitre 5. La Châtelaine. Le château de Mercoire, habité alors par Mademoiselle Christine de Barjac, s'élevait au centre à peu près de ces bois immenses où le prieur de Frontenac et son neveu couraient de si grands dangers. Il avait été construit à une époque où généralement en France on renonçait à fortifier les habitations de la noblesse campagnarde. Mais jamais la province du Gévaudan n'avait été assez calme grâce à l'antagonisme de religion et aux haines qu'il engendre, pour rendre certaines précautions inutiles. Aussi la demeure des seigneurs de Mercoire avait-elle encore un aspect tout féodal. Elle était bâtie sur une ondulation de terrain, au-dessus d'un hameau d'une trentaine de feux. De grosses tours rondes, à toiture d'ardoise, la flanquaient aux quatre angles. Elle était entourée de fossés et de murs, munie d'un pont-levis. À la vérité, les fossés manquaient d'eau, les murailles avaient de nombreuses brèches, et le pont-levis demeurait immobile, faute de chaînes. Mais il fallait être bien prêt pour reconnaître ces ravages du temps, vu à distance, le château, avec ses flèches aiguës, sa masse sombre de pierres volcaniques et sa majestueuse enceinte de murailles grises, avait un air imposant qui donnait une grande idée de ses maîtres. Or, le jour même où se passaient les événements que nous venons de raconter, les abords habituellement solitaires et silencieux de ce domaine présentaient une grande animation. De tous les chemins aboutissant à Mercoire débouchaient des voyageurs isolés ou par groupes, les uns à pied, les autres à cheval, qui venaient pour assister à la battue au loup du lendemain. La plupart se rendaient au village où ils espéraient trouver un gîte pour la nuit. Les autres se dirigeaient vers la porte principale du château. Parmi ceux-ci, on remarquait des gentilshommes chasseurs du voisinage, bien montés et bien équipés, suivis de leurs piqueurs à pied qui conduisaient en laisse quelques chiens d'élite. Certains de ces gentilshommes avaient en croupe leurs femmes ou leurs sœurs, qui cachaient leur hardie manière de chevaucher au moyen de ces amples draperies appelées tabliers de cheval. Mais les femmes ne semblaient pas devoir être nombreuses à cette réunion, soit qu'elles eussent été rebutées par les dangers du voyage, soit qu'elles ne voulussent pas affronter les boutades et les brusqueries de l'excentrique châtelaine. Quelques campagnardes intrépides, ennuyées de leur manoir, impatientes de rompre la monotonie mortelle de leur existence, avaient seules osé se rendre à cette assemblée, où la fatigue était plus probable que le plaisir. Les voyageurs, après avoir franchi le pont-levis, pénétraient dans la cour d'entrée du château, où rien n'annonçait une hospitalité bien élégante et bien empressée. Cette cour, affectée aux besoins de l'exploitation rurale, était encombrée de charrettes brisées, de tonneaux défoncés, de monceaux de fumier, et au milieu de tout cela sautaient, caquetaient et voltigeaient des légions de poules, de pigeons et de canards. Les bâtiments délabrés qui l'entouraient semblaient également détournés depuis longtemps de leur destination primitive. On jugeait, aux fenêtres brisées et sans vitres, qui servaient maintenant de grenier à fourrage. C'était dans cette première cour que les cavaliers mettaient pied à terre, et que s'arrêtaient les piétons qui n'avaient pas reçu d'invitation spéciale au nom de la maîtresse du logis. Deux espèces de valets de ferme, revêtus pour cette circonstance de mandilles galonnées, comme en portaient alors les laquais de bonne maison, demeuraient là en permanence afin de recevoir les arrivants. Ils aidaient les dames à descendre de cheval, détachaient les valises et les porte-manteaux, conduisaient les montures à l'écurie. Les hôtes de rang inférieur étaient introduits dans une vaste salle basse, où, sur des tables improvisées avec des tréteaux, on voyait ample provision de pain, de vin, de fromage et de châtaigne. On s'asseyait, puis l'on buvait et l'on mangeait sans autre cérémonie. Et l'on pouvait d'autant mieux se livrer aux douceurs de cette abondance, que les convives, après s'être rassasiés, n'avaient qu'à pousser une porte voisine pour se trouver dans le fenil, leur future chambre à coucher. Quant aux hôtes de condition noble, un des laquais d'occasion leur faisait franchir une voûte et les conduisait dans une seconde cour, autour de laquelle se trouvaient les bâtiments occupés par la châtelaine. Cette portion du château était beaucoup mieux tenue. Il y régnait un ordre parfait ainsi qu'une exquise propreté. Un corps de logis et deux ailes en retour formaient trois côtés de cette cour, dont une jolie fontaine marquait le centre. Le quatrième côté se composait d'une grille en fer et d'une porte monumentale, surmontée d'un écusson aux armes de la famille de Barjac. Cette porte donnait sur un parc considérable, autrefois séparé de la forêt par un mur et un fossé. mais le temps s'était servi du mur pour combler le fossé, et depuis longtemps la grille seule protégeait le château contre la société un peu mêlée qui fréquentait les bois de Mercoire, société particulièrement bruyante pendant de longues nuits d'hiver. À l'un des angles de la cour réservée, un petit perron de pierre donnait accès dans les appartements de réception. Debout sur ce perron, un vieux monsieur de haute taille, maigre, roide, à la figure gourmée, remplissait les fonctions de maître des cérémonies. Il était vêtu de noir, avec jabot, manchette et catogan. Il avait son chapeau sous le bras, et une de ses mains s'appuyait avec une gravité risible sur la poignée de sa longue épée. C'était le chevalier de Magnac, gentilhomme de bonne maison, mais cadet de famille, et par conséquent fort pauvre. Le brave chevalier, après avoir servi avec distinction dans les armées du roi, eût passé de bien mauvais jours si le prieur de Frontenac, qui le connaissait depuis longtemps, n'avait eu la pensée de le placer comme intendant, écuyer d'honneur, porte-respect, enfin, auprès de la pupille du couvent. Dans la circonstance actuelle, M. de Magnac semblait pénétré de l'importance de ses devoirs. Sa longue figure exprimait un mélange de dignité et d'embarras. Aussitôt que des hôtes paraissaient, il faisait trois pas au-devant d'eux, baisait la main aux dames, adressait une salutation profonde au mari, puis il les introduisait dans une vaste salle à manger où se trouvait déjà une nombreuse compagnie. Là, il leur débitait un compliment préparé d'avance, toujours le même, par lequel il excusait l'absence de la dame du logis, qui se trouvait, disait-il, empêchée, mais qui ne pouvait manquer de venir bientôt. « En attendant, poursuivait-il, ma noble maîtresse vous invite par ma bouche à disposer de tout ce qui est à elle comme étant à vous. Sa maison est la vôtre et ses serviteurs sont à vos ordres. » Alors, monsieur le chevalier de Magnac s'inclinait de nouveau et revenait prendre son poste sur le perron. Mais peut-être ne croyait-il pas avoir suffisamment compensé, par ses politesses exagérées, l'indifférence apparente de sa maîtresse, pourtant de personnage distingué, car en se retrouvant seul, il poussait un profond soupir et jetait des regards d'angoisse vers un quartier du château dont les fenêtres restaient soigneusement closes. Les invités, de leur part, auraient pu s'offenser que Mademoiselle Christine de Barjac laissât à son écuyer le soin de les accueillir chez elle, mais les joyeux chasseurs et les voisins campagnards, qui arrivaient de moment en moment, n'y regardaient pas de si près. On était habitué aux fantaisies de la jolie châtelaine, et nul ne songeait à s'en formaliser. D'ailleurs, un bon feu brillait dans la cheminée, la table était surchargée de viandes froides, de mets de tout genre, de vins exquis. D'excellents fauteuils en tapisserie étaient préparés. Des domestiques alertes allaient et venaient pour satisfaire toutes leurs exigences. De quoi les visiteurs se fussent-ils plaints? Aussi, la plupart, sans s'inquiéter de ce qui manquait au cérémonial de leur réception, s'étaient-ils joyeusement installés autour de la table hospitalière, et prenaient à la lettre l'invitation du chevalier d'agir comme chez eux. Or, pendant que les hôtes affluaient à Mercoire, quel était le grave empêchement qui retenait ainsi la châtelaine? Réfugiée dans un jardinet qui servait de manège, en compagnie de sœur Magloire, sa gouvernante, et du vieux Morisseau, ancien piqueur de son père, elle dressait aux exercices les plus difficiles de l'équitation un petit cheval de race landaise qu'elle comptait monter à la chasse du lendemain. Mademoiselle Christine de Barjac, alors âgée de 18 ans, était droite et élancée comme un sapin des montagnes. Chacun de ses mouvements avait de la grâce, en même temps que de la vigueur et de la souplesse. Son visage, d'une coupe hardie, sa bouche aux lèvres rouges et dédaigneuses, ses yeux noirs fendus en amande, formaient un ensemble d'une beauté remarquable. Cependant, cette beauté n'avait pas encore son caractère définitif. Son teint, un peu bruni par le hâle, n'annonçait pas la délicatesse féminine, et ses yeux ne savaient pas se baisser ou se voiler à demi sous leurs paupières frangées de longs cils. On eût dit d'une enfant espiègle, gâtée, volontaire, sous la forme attrayante d'une jeune fille. Son geste était ferme, souvent impérieux. La moindre contrariété creusait des rides légères sur son front blanc et pur. Le costume qu'elle portait en ce moment, et qui était son costume de prédilection, ajoutait à son apparence presque virile. Elle avait une ample robe de soie verte, tailladée aux manches et coupée à peu près comme nos amazones modernes. Ses magnifiques cheveux noirs, qu'elle ne permettait pas de poudrer, malgré les exigences de la mode, étaient retenus dans une bourse de soie. Sa coiffure consistait en un petit chapeau à trois cornes, doublé de plumes blanches frisées et galonnées d'or. Ce costume semi-masculin, et qui convenait parfaitement à la vie active, aux allures des cités de Christine de Barjac, faisait dire aux gens du pays qu'elle s'habillait en homme. Et véritablement, sauf la jupe, dont la queue traînante pouvait se relever dans la ceinture, on l'eût prise pour un sémillant petit gentilhomme, plus disposé à devenir mousquetaire que séminariste. Nous connaissons déjà quelques-unes des circonstances qui avaient influé sur Christine. Elle avait rendu si différente des autres jeunes filles de son âge. Privée de très bonheur de sa mère, elle avait constamment vécu parmi des hommes dans ce château isolé. Son père et son oncle, grands chasseurs, mais fort ignorants et passablement grossiers, ne recevaient que des chasseurs comme eux. Ils avaient trouvé je ne sais quel sot plaisir à voir la pauvre enfant prendre ce ton libre, ces manières dégagées, dont elle ne pouvait maintenant se défaire. Dans les joyeux dîners qui suivaient les parties de chasse, on apportait la petite Christine, et tous ses compagnons avinés se plaisaient à lui faire répéter des jurons à la mode, à lui enseigner des gestes cavaliers, à l'entendre gazouiller une chanson bachique. Son père, qui, avant la naissance de Christine, avait beaucoup désiré d'avoir un garçon, se pâmait d'aise à ses gentillesses. Son oncle, plus imprudent encore, s'ingéniait à lui en apprendre de nouvelles. L'un et l'autre adoraient pourtant cette innocente créature, et ils ne songeaient pas qu'il dépravait peut-être sa jeune imagination. Il ne voyait en elle qu'un jouet dont il s'amusait avec une funeste imprévoyance. Telle avait été la première éducation de Christine. Mademoiselle de Barjac, grâce aux instincts d'imitation inhérents à la nature humaine, s'était façonnée au goût, aux mœurs, au langage de ceux qui l'entouraient. Elle ne songeait qu'à courir, sauter, monter à cheval. Son oncle étant mort des suites d'une chasse au marais, son père n'avait cessé d'encourager cette humeur capricieuse et turbulente. Cependant, peu de temps avant de mourir à son tour, M. de Barjac semblait avoir enfin ouvert les yeux sur les dangers de sa conduite, et s'être repenti de sa légèreté coupable. Afin de réparer ses torts, il avait légué la tutelle de sa fille aux moines de Frontenac, qu'il jugeait les plus dignes d'une pareille mission. Malheureusement, il était bien tard pour effacer les traces de cette première et vicieuse éducation. Christine avait près de 12 ans, et à cet âge, il devient déjà difficile de recevoir de nouvelles idées, de surmonter certaines propensions, certaines habitudes. Aussi l'œuvre des bons pères, à l'époque où nous nous trouvons, était-elle bien imparfaite encore, et la noble demoiselle n'offrait pas encore un type complet de douceur, de patience et de modestie. En ce moment, comme nous l'avons dit, mademoiselle de Barjac, sans égard pour les hôtes nombreux qui arrivaient au château, prenait plaisir à dresser le petit Buc, son cheval favori. La tâche n'était pas des plus faciles. Buc, jolie bête noire, à tout crin, l'œil vif et à fleur de tête, paraissait, malgré sa petite taille, aussi volontaire, aussi capricieux que sa jeune maîtresse elle-même. Il était monté par Morisseau, qui, en dépit de ses 70 ans, se piquait d'être encore excellent cavalier. Christine, un fouet à la main, restait au milieu du manège et commandait les manœuvres. Parfois l'animal se prêtait avec une docilité merveilleuse aux intentions de l'écuyer, mais parfois aussi il regimbait, se cabrait, se dressait sur ses pieds de derrière. Alors mademoiselle de Barjac faisait claquer son fouet, s'emportait, tantôt contre le cheval, tantôt contre le cavalier. Souvent aussi, impatientée, elle ordonnait à l'écuyer de descendre, et bien que Buc eût seulement pour harnais un bridon et une légère couverture, elle sautait prestement sur son dos, l'obligeait à effectuer la manœuvre indiquée, puis, remettant pieds à terre, elle venait reprendre son fouet, en disant à Morisseau « Morbleu, vieux maraud, n'as-tu pas honte de ta gaucherie? Buc est taquin, mais pas méchant, et tu ne sais pas le prendre. Tu l'attaques brusquement, au lieu de lui rendre un peu la main et de lui donner le temps de réfléchir sur ce que tu attendais lui. Ventre de loup, le plus raisonnable des deux n'est pas celui qu'on pense. » Chaque fois qu'elle laissait échapper des expressions malsonnantes dans sa jolie bouche, une voix plaintive et gémissante s'écriait derrière elle. « Sainte Vierge, mademoiselle, voilà que vous jurez encore, malgré vos promesses. Que vont dire les pères quand ils verront que je vous élève si mal? Je serai excommuniée pour le moins. » « Bon, bon, sœur ma gloire, » répliquait Christine avec dédain, « ne t'inquiète pas de ce que diront ou feront ces maudits frocards. »« Maudits frocards? Mais c'est de l'impiété, cela, du sacrilège. Ah, ma chère enfant, vous voulez donc perdre votre âme? Que Dieu vous pardonne vos péchés. » Sœur Magloire, qui parlait ainsi, était assise dans un coin du manège. Protégée par des caisses à fleurs contre les incartades du malin Buc, elle tricotait, suivant son habitude, un bas de laine. La gouvernante de mademoiselle de Barjac portait au château son costume de religieuse ursuline. C'était une femme de 50 ans, dont les manières annonçaient qu'elle avait autrefois vécu dans le monde. Elle passait pour fort instruite. Mais, Ce qui surtout lui avait valu d'être choisie pour institutrice de Christine, c'était sa patience inaltérable, sa profonde piété, qui lui faisait supporter avec résignation des injustices, les duretés et même les insultes. Ses vertus de sœur Magloire étaient souvent mises, nous devons le dire, à de rudes épreuves. La religieuse, en effet, partageait avec le chevalier de Magnac le gouvernement du château, et ils se relayaient constamment pour plier leur élève à la discipline des convenances. Au logis, la sœur avait la haute main. Elle prêchait longuement et employait le pathétique, afin de maintenir Christine dans les limites du décorum. Au dehors, c'était le roi des flegmatiques chevaliers de Magnac, qui suivait partout sa jeune maîtresse, soit à pied, soit à cheval. Moins éloquent et surtout moins verbeux que sa sœur Magloire, il accompagnait chacune de ses prescriptions d'un précepte court et absolu comme un axiome. Mais une fois sa détermination prise, il se fut laissé battre, déchiré en morceaux, plutôt que de céder, et sa froide obstination réussissait habituellement mieux auprès de l'impétueuse jeune fille que les homélies sans fin de la religieuse. Cependant, mademoiselle de Barjac, comme on peut le croire, supportait avec une peine extrême cette double surveillance. Elle avait un bon cœur, en dépit de sa fâcheuse éducation, et assez de sens naturel pour reconnaître l'excellence du but auquel on tendait. Mais ses obsessions aigrissaient son humeur, irritaient sa fierté. On ne pouvait pas dire qu'elle eût de la haine pour ses trop zélés protecteurs, mais elle se plaisait à tromper leur jalouse vigilance, à les mettre en défaut par quelque joyeuse espièglerie, à les tourmenter de mille manières. Cette conduite désespérait l'honnête chevalier et la pauvre sœur Magloire. Et, bien que du reste leur vie fût assez douce au château, ils avaient été bien des fois sur le point de renoncer à une mission qui produisait de tels résultats négatifs. Pendant que mademoiselle de Barjac contemplait les rapides évolutions de Buc, la religieuse était tenue exactement au courant de ce qui se passait dans l'autre partie du château. Sur le seuil d'une porte voisine apparaissait par intervalle une camériste, revêtue du costume pittoresque du pays, qui disait quelques mots à la dolente sœur et rentrait aussitôt. Cette vive messagère était envoyée par le chevalier pour annoncer à la gouvernante les nobles hôtes qui venaient d'arriver, et pour l'engager à rappeler le plus tôt possible à leur maîtresse commune les devoirs de l'hospitalité. La religieuse ne demandait pas mieux, et elle avait voulu à diverses reprises abréger la leçon de manège, mais sa contrariante élève n'écoutait pas ses prières, et la sœur, craignant de l'exaspérer par une insistance prolongée, attendait une occasion favorable pour revenir à la charge. Cette occasion ne tarda pas à se présenter. Le cheval donnait des signes de fatigue, et le vieil écuyer, plus courageux que robuste, en raison de son âge avancé, avait le front baigné de sueur. Christine engagea donc Morisseau à prendre un moment de repos, puis elle vint s'asseoir sur un banc, à côté de sa gouvernante, et, ôtant son chapeau, elle se mit à réparer le désordre de sa noire chevelure. « Mon enfant, dit sœur Magloire, prompte à saisir la propos, ne serait-il pas temps de rentrer? Une nombreuse compagnie vous attend au salon, et vous devez des égards à ces gentilshommes qui viennent délivrer vos domaines du terrible animal qui les ravage. » « Bah, voilà bien du bruit pour un loup, » répliqua la jeune fille en haussant les épaules. « Je me souviens encore que mon père et l'oncle Hilaire en tuèrent 6 dans une chasse. Et toute petite que j'étais, j'assistais à l'allée devant les défilés de la Lozère, alors encombrée de neige. Ah, sœur Magloire » poursuivit-elle avec un attendrissement assez rare chez elle. « Tu n'as pas connu mon bon père et mon pauvre oncle Hilaire. Quels hommes c'étaient ! Et quels chasseurs ! S'il vivait encore, il n'aurait pas besoin de tous ces gentillâtres vantards qui font plus de bruit que de besogne. Il monterait à cheval, avec leurs piqueurs, et suivi d'une douzaine de chiens ardennais, il réglerait bien vite le compte de cette maudite bête, si friande de chair humaine. Mais les temps sont changés, pauvre père, pauvre oncle Hilaire. » Et elle lui tourna la tête comme pour cacher une larme. « Je sais, mon enfant, reprit froidement la religieuse, que les messieurs de Barjac étaient d'honorables seigneurs et des chasseurs expérimentés, bien qu'ils aient cruellement négligé certains devoirs envers vous. Mais vous n'en devez pas moins être reconnaissante envers les bons voisins qui vous prêtent assistance dans les circonstances actuelles, et vous feriez bien d'aller vous-même. Hé, pâle sambleu, le chevalier de Magnac n'est-il pas là? On a pourvu à ce que rien ne leur manquât, j'espère. » « Sans doute. Mais certains personnages de distinction pourraient se formaliser de votre absence prolongée. Il y a, par exemple, le jeune comte de Lafrena, brigadier des armées du roi. Eh bien, donnez un miroir à monsieur de Lafrena. Il ne s'ennuiera pas tant qu'il pourra contempler sa figure dans une glace. Dût-il passer la nuit à cette agréable occupation? Il y a le marquis de Brenneville. » qu'on lui fasse visiter le chenil. Il se plaît surtout en compagnie des chiens. Il y a encore le baron et la baronne de Florac. Qu'on les mette à table et qu'on prenne soin de remplir continuellement leurs verres et leurs assiettes. Je vous garantis qu'ils ne s'apercevront pas de mon absence, du moins si le vin et les mets se trouvent à leur goût. « Enfin, mademoiselle, poursuivit la sœur d'un air un peu fâché, des hôtes vont arriver d'un moment à l'autre, pour lesquels vous ne sauriez montrer trop d'affection et trop de respect. Bon, je vois de quoi ils retournent, sœur Magloire. Tu attends sans doute ces maudits... Je vais dire quelques-uns de ces moines de l'abbaye. Vous devriez parler plus amicalement de vos pieux bienfaiteurs, de vos pères spirituels, répliqua la gouvernante avec aigreur. Eh bien oui, mademoiselle, on a préparé un logement pour un ou plusieurs des révérends pères. Alors que le diable l'est... Mademoiselle !» Christine se mordit les lèvres en agitant son petit pied chaussé d'une bottine de maroquin. Sœur Magloire soupira et leva les yeux au ciel, signe certain qu'elle allait commencer un long discours sur l'incartade de son élève, quand la jeune camériste annonça l'arrivée du baron de La Roche-Boisseau. Cette nouvelle changea subitement les idées de mademoiselle de Barjac. « La Roche-Boisseau » s'écria-t-elle. « Ah, tant mieux. C'est un joyeux compagnon, celui-là. On va s'amuser ici, comme au temps passé. Tiens, sœur Magloire, poursuivit-elle en se levant prestement, tu as raison, et je veux rentrer. » Mais l'institutrice ne partageait pas l'estime de Christine pour le baron, et elle demeura immobile sur son siège. « En vérité, répliqua-t-elle, je ne comprends rien à votre préférence pour monsieur de La Roche-Boisseau. C'est, dit-on, un dissipateur, un débauché, peut-être même un ennemi de notre sainte religion. C'est un franc chasseur, un parfait cavalier, un jovial convive. Je ne me suis jamais informé du reste, repartit mademoiselle de Barjac, avec insouciance. Et puis, il ne m'assourdit pas de fadeurs et de compliments comme les autres. Mais veux-tu que je te dise, sœur Magloire, d'où viennent tes préjugés contre lui? C'est qu'il me plaît. Tu es toujours ainsi pour ceux qui me plaisent. Mais, morbleu, je n'en agirai qu'à ma tête. » Elle se dirigea d'un pas délibéré vers son écuyer, qui, le bras passé dans la bride du cheval, reprenait haleine. « Il faut en finir, Marisseau, » dit-elle. « Mais comme tu es fatigué, je vais moi-même terminer la leçon. » Elle s'éleva sans effort sur le dos du fringant animal, qui se mit à exécuter de gracieuses courbettes comme pour témoigner sa joie. La belle Amazone lui fit, pendant quelques instants, répéter les évolutions les plus difficiles, changer brusquement d'allure, s'arrêter court lorsqu'il était lancé au galop. Enfin, satisfaite de la docilité de sa monture, elle adressa un signe mystérieux au vieil écuyer. « Et maintenant, la dernière règle de grammaire, » dit-elle en souriant. « Mademoiselle désire-t-elle que je lui apporte ?»« Chut !» fit la malicieuse enfant. Et elle désignait sœur Magloire qui avait repris son tricot. Morisseau comprit sa pensée, et à son tour il sourit sournoisement, car il n'aimait pas la sœur qui le morit gêné à tout propos. Il alla donc chercher dans un coin deux pistolets d'arçon et les présenta à sa maîtresse. Celle-ci se remit à galoper autour du manège, et comme elle passait devant la religieuse, elle plaça l'un des pistolets entre les oreilles dressées de Buc et tira. Sœur Magloire fit un soubresaut en poussant un lamentable « Jésus mon Dieu !» tandis que l'impitoyable fille riait aux éclats. « eh bien, ma chère sœur, » s'écria-t-elle, « ne t'habitueras-tu jamais au feu? Mais sur mon âme, je crois que Buche lui-même a bronché légèrement. Je ne souffrirai pas cela, monsieur Buche. Je vais recommencer. Et si tu bouges, n'aie pas peur cette fois, sœur Magloire. Il n'y a pas de danger, tu le sais bien. » Elle tira son second pistolet. La flamme de la poudre roussit la crinière de Buche. Cependant, l'animal ne sembla pas s'en apercevoir. Et rien ne troubla la régularité de son pas. « À la bonne heure !» dit Christine triomphante. Elle mit pied à terre. Comme elle flattait de la main le cou luisant et poli de sa monture, l'écuyer s'approcha pour prendre la bride. « Je t'ai rudoyé, mon pauvre Morisseau, » dit mademoiselle de Barjac d'un ton amical. « J'avais tort, pardonne-moi. L'éducation de Buche est parfaite. Ne me laisse pas oublier que je te dois quelques louis pour boire à ma santé. » Le vieux domestique se confondait en remerciements. Quand cette étrange fille lui tourna le dos et se rapprocha de sœur Magloire. Alors seulement elle s'aperçut que la religieuse était tout en larmes. La surprise et le chagrin remplacèrent aussitôt l'expression joyeuse de ses traits. Elle jeta ses bras autour du cou de sa gouvernante et lui dit avec émotion. « Qu'as-tu donc, chère sœur? Prendrais-tu si mal une plaisanterie? Pardonne-moi. Je me corrigerai. Allons, embrasse-moi, je veux que tu m'embrasses. » « Mademoiselle, » dit la pauvre religieuse en la repoussant doucement, « vous êtes cruelle envers moi. Je suis à bout de patience et de courage. J'ai beau faire, vous ne m'aimez pas, vous me haïssez. »« Cela n'est pas, Je t'aime, répliqua Christine avec son impétuosité ordinaire. Oui, je t'aime, ma chère. Mais tu es bonne et moi je suis méchante. J'ai voulu 100 fois renoncer à ces maudites expiègleries. Et je ne sais quel diable. Allons, ne me garde pas rancune pour cette fois. Je me corrigerai. Je te le jure. Voyons, est-ce fini? Embrasse-moi. Elle saisit de ses deux mains la figure blême et ridée de la religieuse, et lui prit plusieurs baisers. Sœur Magloire ne pouvait s'empêcher de sourire à travers ses larmes, en voyant Christine reconnaître si franchement ses torts. « Ah, mademoiselle, dit-elle, vous abusez de mon indulgence, de ma faiblesse. Mais je songe quelquefois. Vas-tu donc recommencer? Tu m'as pardonné? Tiens, pour ta récompense, tu vas voir comme je serai polie et aimable avec ces gens du grand salon. Tu ne me reconnaîtras pas toi-même. On ne trouverait pas, même à la cour, une caillette au sucre comme je serais. Je te promets de faire bon visage, même à tes moines. Ne m'as-tu pas dit que tu attendais la visite du père Jérôme, l'économe du couvent? Non, mademoiselle. Selon toute probabilité, sa révérence, le père prieur lui-même, aura voulu vous assister dans cette occasion solennelle. Le prieur? C'est le moins sévère, et c'est pourtant celui que je crains le plus. « Et penses-tu, ma sœur, poursuivit-elle avec une indifférence affectée, qu'il nous vienne seul? Peut-être se sera-t-il fait accompagner, comme d'ordinaire, de son neveu, cet excellent monsieur Léonce. »« Léonce ? » répéta Christine en tressaillant. Elle ajouta presque aussitôt avec vivacité. « Partons, partons, ma chère sœur. Si tu laissais refroidir mes bonnes dispositions, je ne répondrais plus de rien. » Et elle voulait entraîner la religieuse. « Me voici, mon enfant, dit sœur Magloire en pliant son ouvrage. » Mais vous ne pouvez vous présenter sous ce costume cavalier à la noble compagnie qui se trouve en ce moment au château. Vous allez donc passer dans votre appartement et vous permettrez que l'on vous habille et que l'on vous coiffe, comme il convient une demoiselle de votre condition. « Ouais, » dit mademoiselle de Barjac en faisant la moue. « Me laisser jeter un muide de farine blanche dans les cheveux et endosser cette grande robe à panier que l'on m'a envoyée de Paris, je ne veux pas. Je ne saurais plus ni parler, ni marcher, ni me mouvoir. Je suis bien ainsi. » Parce que je suis à mon aise. On me prendra tel que je suis. Mais, mademoiselle. Eh, morbleu, toi, sœur Magloire, pourquoi ne changerais-tu pas aussi de costume? Moi, mon enfant, je suis en religion, et je ne saurais, sans une permission expresse de ma supérieure, quitter l'habit de mon ordre. Eh bien, moi je ne veux pas quitter mon habit de cheval. Et l'opiniâtre enfant, posant son chapeau sur l'oreille d'un air mutin, se dirigea vers le grand salon d'un pas si rapide que sœur Magloire avait peine à la suivre. Fin de la section 5, lue par Stéphanie.